Bonjour et bienvenue sur Ciel Espace Radio. Le ciel, en ce mois d'octobre 2016, nous réserve quelques beaux spectacles. Voici ceux que nous vous conseillons de suivre. La Lune s'approche de Vénus le 3 octobre. La Lune toujours surplombe Saturne et Antarès le 6. Jupiter et Mercure sont séparés de 48 minutes d'arc le 11, mais attention, l'observation est difficile. Uranus passe à l'opposition le 15. La Lune occulte 3 étoiles le 19 et Vénus est en conjonction avec Saturne le 29. Pour commenter ces phénomènes astronomiques, nous sommes en compagnie du spécialiste de l'observation à ciel et espace Jean-Luc d'Auvergne et de Guillaume Canat, auteur de l'ouvrage Le Guide du Ciel et du blog Autour du Ciel sur le site lemonde.fr. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, avant d'évoquer les phénomènes célestes de ce mois d'octobre, un petit rappel pour tout le monde. Nous passons à l'heure d'hiver le 30 octobre, donc à 3h du matin. N'oubliez pas de reculer vos montres d'une heure. Voilà, c'est dit. On passe donc au premier événement dont nous voulions vous parler ce mois-ci, un joli rapprochement, le 3, entre la Lune et Vénus. Alors Jean-Luc, dans quelle direction cela se passe-t-il? À quelle heure? Alors c'est plutôt à regarder dans le ciel du soir. Vénus est à seulement 4 degrés de la Lune, donc c'est assez serré. Ça veut dire que dans une paire de jumelles, on va réussir à les voir dans le même champ. Donc ça permet de mieux voir la lumière cendrée sur la Lune, de voir le relief sur la Lune. Et bah voilà, c'est toujours des rapprochements intéressants à voir et éventuellement à photographier avec n'importe quel appareil photo. Quasiment, c'est possible pour peu qu'on puisse zoomer un tout petit peu, sinon les astres risquent de sembler un tout petit peu petits dans le champ. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose facile à voir. La Lune en ce moment, elle est comment le 3 octobre ? Là, du coup, vu que c'est au crépuscule, elle est en croissant plutôt très fin. Donc ça peut être très, très joli à voir finalement ce rapprochement du 3. Ouais, ouais. Alors le 6, le croissant de Lune surplombera Saturne et Antarès. Là aussi, Guillaume, un joli phénomène, mais comment on observe au mieux la Lune, Saturne et Antarès le même soir? Alors, la Lune, ça ne posera pas de problème, parce qu'effectivement, on est en début de lunaison, donc le croissant, on le verra où qu'on se trouve. Il suffit de regarder vers l'horizon sud-ouest et on verra le croissant, qu'on soit en ville ou à la campagne. Bon, si on est au fin fond d'une vallée encaissée, on aura peut-être un peu de mal si elle n'est pas bien orientée, mais voilà. Ensuite, Vénus, c'est un point qui sera bien visible aussi. Saturne, on le voit en dessous de la Lune ce soir. Et Antarès, par contre, risque d'être plus délicate à voir, parce qu'elle est plus proche de l'horizon. C'est à peu près le même éclat que Saturne, donc au niveau éclat c'est pas mal, mais quand on dit plus proche de l'horizon au crépuscule, ça veut dire dans un ciel plus clair et surtout plus absorbé. Donc le challenge, c'est un petit peu de réussir à voir Antarès. C'est un petit peu, bon bah oui, on dit au revoir à l'été quoi, on est déjà en automne, mais avec le départ d'Antarès, c'est vraiment la fin de l'été, la fin des belles constellations de l'été. On la retrouvera heureusement au mois de janvier, le matin avant l'aube, mais pour le moment, bah, c'est un petit peu les derniers rendez-vous. Donc c'est beau à voir à l'œil nu, à voir aux jumelles, on peut faire des photos naturellement aussi assez aisément, mais bon voilà, c'est surtout le clin d'œil de Saturne pour la fin de la saison de l'été. Très bien. Alors le 11, une observation que vous avez mise, Jean-Luc, dans les éphémérides de ciel et espace. Vous nous prévenez, c'est une observation délicate. Mercure passe à 48 minutes d'arc de Jupiter. Très bien, sauf que ça se passe à l'aube et manifestement, ça risque d'être difficile de voir ces deux planètes. Quel conseil on peut donner aux auditeurs qui voudraient tenter l'expérience ? Alors déjà, évidemment, il faut trouver un site avec l'horizon dégagé vers l'est. Ça, c'est indispensable. Si on a la possibilité de prendre un petit peu d'altitude, c'est mieux. Le ciel sera plus transparent. Et ensuite, si vous êtes équipé d'un télescope qui a un système de pointage automatique, là, pour le coup, il ne faut pas hésiter à s'en servir. Les deux astres vont être séparés de quelques minutes d'arc, de quelques dizaines de minutes d'arc seulement. 48 minutes, c'est ça. C'est un peu plus que la taille apparente de la Lune, mais dans un télescope, ça veut dire qu'on peut vraiment voir les deux astres dans le même champ avec un grossissement de l'ordre de 50 fois, par exemple. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à utiliser le système de pointage automatique du télescope et à peu près une heure avant le lever du soleil, demander au télescope d'aller dans cette direction, puis de surveiller le moment où les astres seront suffisamment sortis de l'horizon pour devenir visibles depuis le lieu d'observation. Ce qui est sûr, c'est qu'avec un télescope, c'est accessible. Après, selon la qualité du ciel, est-ce que ce sera visible à l'œil nu ou pas, ça j'en sais rien. Ouais, ça dépendra l'avantage, c'est quand même que Mercure est très brillante là en ce début de mois, donc bon, c'est un atout supplémentaire. Est-ce que dans un télescope à 50 fois on peut se rendre compte déjà de la différence de teinte? J'imagine que oui, mais aussi la différence de taille de ces deux planètes? Ah oui, sans aucun problème. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau observation, là, on n'est vraiment pas dans des bonnes conditions, donc il ne faut pas s'attendre à voir des belles bandes sur Jupiter et les satellites autour, parce qu'on est vraiment très bas au-dessus de l'horizon, dans un ciel très clair, donc là, ça risque d'être plus difficile. Mais par contre, oui, il y a vraiment une différence d'aspect entre ces deux astres, entre ces deux planètes. Ouais. Donc, vous pouvez tenter cette observation le 11, et puis vous pouvez nous écrire si vous l'avez vu et si vous avez fait, pourquoi pas, une belle photo de ce rapprochement à l'aube. L'adresse pour envoyer vos photos, c'est ouvertlanuit@cielespace.fr, et ça peut vous servir pour la suite de ces éphémérides. Le 15, Uranus passe à l'opposition. Alors, c'est le bon moment pour l'observer. Guillaume, rappelez-nous en deux mots ce que ça signifie lorsqu'une planète passe à l'opposition. Et puis, qu'est-ce qu'on peut voir d'Uranus en ce moment? Voilà. Alors, Uranus, bon, c'est une planète extérieure, hein. C'est une planète qui est plus éloignée du Soleil que la Terre. Et donc, quand elle est alignée avec le Soleil et la Terre, on dit qu'elle est à l'opposition. En fait, si on regardait le système solaire de dessus, on verrait une belle ligne Soleil-Terre-Uranus. Mais sachant que Soleil-Terre, c'est 150 millions de kilomètres, mais Soleil-Uranus, c'est beaucoup plus loin, on dépasse le milliard de kilomètres. Donc, on a un corps qui, même si c'est une planète plus grosse que la Terre, elle est très très loin, donc ça reste un tout petit point. Et pour nous, dans notre ciel, l'opposition, ça veut dire qu'en fait, cette planète se lève lorsque le Soleil se couche, et elle se couche lorsque le Soleil se lève. Et elle passe au méridien, donc au point le plus haut de sa trajectoire dans le ciel, au-dessus de l'horizon sud pour nous, dans l'hémisphère nord, elle passe au méridien en milieu de nuit. Donc, en plus, en ce moment, elle se trouve dans la constellation du Poisson, des Poissons, à côté de Alresha, l'étoile principale des Poissons, et elle va passer à 40, 50, 55 degrés selon votre position en France métropolitaine ou en Europe. Donc elle est haute, elle est au-dessus des zones de pollution lumineuse. Ça veut dire qu'on peut la voir à l'œil nu. On peut tenter de la voir à l'œil nu. Alors attention, c'est pas Vénus, c'est pas Jupiter. C'est limite de perception à l'œil nu. Mais pour l'avoir fait assez souvent, bon, c'est faisable. On peut, dans un ciel correctement noir, si on s'éloigne à, on va dire, 40-50 km de Paris et qu'on a un ciel noir, eh ben on peut la voir, même si à l'horizon il y a quelques pustules de pollution lumineuse, à 50 degrés de hauteur, on ne sera pas gêné par cette pollution lumineuse, s'il n'y a pas trop de diffusion et d'atmosphère humide, etc. Et on verra ce petit point. Donc la magnitude d'Uranus au moment de l'opposition, c'est 5-7. On dit que la magnitude théorique visible à l'œil nu, c'est jusqu'à 6. En fait, selon les conditions et selon les personnes, on peut aller un peu au-delà. 5-7, c'est faisable. Simplement, il faut se dire que c'est un point à la limite de perception à l'œil nu. Et il faut une bonne carte pour la reconnaître. Alors, il faut une carte. On a un bon moyen en ce moment, c'est que ben, il y a Alresha des Poissons qui est à 11 degrés d'elle. Et surtout, on a le grand carré de Pégase qui est juste au-dessus en ce moment dans le ciel. On le voit bien le soir en milieu de soirée. Et dans le grand carré de Pégase, il faut prendre l'étoile qui s'appelle Agenib. Et que si on trace une ligne entre Alresha et Algénib, eh bien en fait, Uranus se trouve sur cet alignement et a en gros un tiers au départ d'Alresha, 11 degrés à peu près. Donc la distance Alresha-Algénib, c'est une trentaine de degrés, donc à un tiers d'Alresha, on a Uranus. Voilà. Ensuite, effectivement, si on veut plus de détails, il faut trouver une carte. Il doit y avoir dans la revue où on peut en trouver. Il y en a une dans le magazine on peut se repérer par rapport aux étoiles de la constellation des Poissons. C'est pas des étoiles très lumineuses, mais voilà, à partir de la carte, une fois qu'on a réussi à se dessiner la constellation des Poissons dans le ciel, on peut la retrouver pas trop difficilement. Elle forme un triangle un peu aplati par rapport à deux étoiles de la constellation, tout ça dans 2-3 degrés, c'est assez faisable. À cet endroit-là, le point qu'on verra, si on arrive à le voir, c'est elle. Si on voit, il n'y a pas de faux amis à cet endroit. Et donc le moyen d'en être sûr, c'est de pointer un télescope dessus, une lunette ou un télescope, même 100, 150, 200 mm de diamètre. On fait un grossissement d'une centaine de fois et on verra tout de suite la différence avec les étoiles qu'il y a autour. Les étoiles vont rester ponctuelles. Là, on va voir apparaître un tout petit disque, mais tout petit, hein, parce que c'est moins de 4 secondes de diamètre, 4 secondes d'arc de diamètre, mais ça fera un disque. On voit bien qu'il y a une différence d'aspect par rapport rapport aux étoiles environnantes. Donc, ok, on peut dire, c'est bon, j'ai coché une planète de plus. Est-ce qu'on a une couleur sur Uranus, Jean-Luc, quand on l'observe dans un télescope ? Il faut prendre une photo pour la voir apparaître. Ça dépend de la taille du télescope, en fait. Elle est assez... Ça s'appelle beauté en touche. La couleur est très pastel, elle existe. La couleur est finalement assez proche de ce qu'ont montré les photos des sondes Voyager, un vert assez pâle. Et bon, bah voilà, après, dans le télescope, cette teinte, avec un télescope d'au moins 250-300 mm de diamètre, on peut l'apercevoir. Ça vaut le coup, en fait, si on a des étoiles dans le champ, de regarder un petit peu autour et de comparer par rapport à la couleur des étoiles alentour. C'est là où, un peu par comparaison, la teinte se ressentira. Très bien, donc essayez de regarder Uranus. Alors pas le 15 ni le 16, puisque je crois que le 16, la Lune sera pleine. Enfin, ce n'est pas le bon moment. On est effectivement en période de pleine Lune. Mais... Alors, bon, il faut savoir qu'elle est là. Comme elle est très loin du Soleil, elle ne se déplace pas vite. Donc elle est dans ce secteur du ciel. Ça fait déjà quelques temps qu'elle y est. Et donc dans les semaines qui viennent, elle y restera. Très bien. Nous passons à l'événement suivant. C'est le 19, un bel événement sans doute, l'événement du mois. La Lune va occulter 3 étoiles visibles à l'œil nu. Jean-Luc, expliquez-nous tout. Où ça va se passer? Quelles sont les étoiles qui vont disparaître derrière le disque lunaire? En fait, s'il y en a autant d'un coup, c'est tout simplement parce que la Lune passe devant un amas d'étoiles qui est l'amas des Hyades, qui doit être l'un des amas les plus proches de nous. Donc c'est des étoiles qu'on voit à l'œil nu qui sont relativement brillantes, juste à côté d'Aldébaran, l'étoile principale du Taureau. Et donc on a 3 de ces étoiles qui sont successivement occultées par la Lune. Alors elles disparaissent aux limbes sombres de la Lune, sachant que la Lune, on est proche de la pleine Lune, donc elle est en forme très très gibbeuse. Mais voilà, donc la première, en fait, c'est dans la nuit du 18 au 19. La première étoile disparaît à 23h02. Alors l'heure que je donne, elle est indicative à peu près pour le centre de la France, mais évidemment selon qu'on observe à Nice ou à Lille, l'horaire sera légèrement différent, ça varie de quelques minutes. Donc cette première étoile, elle réapparaît à minuit 10. Ensuite on en a une deuxième qui s'appelle Theta Tauri. Elle est d'un éclat comparable. La première, c'était magnitude 3,6, là c'est 3,8, donc des étoiles vraiment bien visibles à œil nu. Alors avec la Lune fortement lumineuse, vu qu'elle est quasiment pleine, c'est difficile de bien voir ces étoiles-là quand elles sont proches du bord de la Lune. Donc là, ça vaut vraiment le coup de prendre au moins une paire de jumelles et si possible un télescope. Donc cette deuxième étoile-là, ça se passe un peu plus tard, elle est occultée à 3h46. Et puis il y en a une autre qui est occultée à 4h37. Je précise que tous les horaires qu'on donne dans le magazine et comme dans ces podcasts sont en temps universel. Oui, donc rajouter 2 heures pour avoir l'heure légale en France. Est-ce que c'est le genre de phénomène qu'on peut essayer de filmer, par exemple? Est-ce que ça peut valoir le coup ou est-ce que l'éclat de la Lune va être vraiment trop gênant? Ah non, il n'y a aucun problème pour filmer. Au contraire, l'étoile, elle se verra relativement bien. Surtout sur l'occultation ou l'âme sombre de la Lune, c'est peut-être ça qui est le plus rigolo à observer, hein, quand même, parce que l'étoile, elle disparaît dans le noir au milieu de rien. L'âme sombre de la Lune, on ne le voit pas, mais c'est la façon de le matérialiser. Là, c'est des étoiles qui ont des tailles apparentes qui sont, enfin, on peut dire infiniment petites optiquement, donc la disparition est instantanée. Et c'est surtout ça qui est étonnant, c'est de voir le point disparaître de façon très brusque. Très bien, donc ça, ce sera pour le 19. Guillaume, vous avez déjà observé ce genre de phénomène? J'imagine que oui. Oui, assez fréquemment. En fait, c'est toujours beau de suivre comme ça. Bon, il se trouve que les Hyades sont merveilleusement placées juste à côté de l'écliptique et donc régulièrement, la Lune se balade dedans, quoi. Et bon, alors ça dépend un peu de la phase. Il y a des moments où la phase est plus ou moins éblouissante, mais là, on a la possibilité d'observer ce passage. Quand la Lune est un peu trop éblouissante, le truc, c'est en fait de faire sortir la partie la plus lumineuse de la Lune, de faire sortir du champ, quand on regarde avec une lunette ou un petit télescope, de faire sortir du champ ce qu'il faut de la Lune pour ne plus être ébloui et pour voir les étoiles. Et ensuite, on voit la progression du disque lunaire par rapport au champ étoilé. C'est toujours beau de voir comme ça ces étoiles apparaître, disparaître en fonction du déplacement de la Lune. Très bien, donc ce sera le 19 octobre. On passe à l'événement du 29. Vénus et Saturne sont à 3 degrés l'une de l'autre. Où est-ce qu'on les cherche en ce moment, Jean-Luc, Vénus et Saturne? C'est un petit peu sur le haut de la constellation du Scorpion. Donc c'est à voir plutôt en première partie de nuit. Et voilà, c'est toujours intéressant. La 3 degrés, c'est quand même relativement serré. Donc c'est plutôt une belle rencontre qu'il ne faut pas hésiter à suivre. Est-ce que ces planètes, au-delà de leur rapprochement, sont intéressantes à observer en ce moment ? Vénus et Saturne, ça donne quoi en ce fin de mois d'octobre ? En fait, c'est à observer au télescope, c'est un petit peu bas dans le ciel, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est éventuellement de faire une photo. Vénus est très brillante, Saturne un peu moins, mais c'est quand même deux points qui vont bien ressortir. Avoir une séparation de 3 degrés, ça permet de monter un petit peu en focale, on peut intégrer un avant-plan en gardant un dégradé de crépuscule dans le ciel. Donc c'est plutôt quelque chose à contempler à l'œil nu, aux jumelles, et puis faire des photos avec un simple petit objectif de focale moyenne, quoi. Et moi, ce que je précise, c'est que si on a la chance d'observer dans un bon ciel, si on s'est éloigné un petit peu des lumières artificielles, là, on est dans la phase crépusculaire, mais dans un bon ciel, dès la fin du crépuscule, même avant que la zone crépusculaire soit complètement éteinte, on commence à percevoir la Voie lactée, puisque là, Saturne et Vénus, là, elles se trouvent dans Ophiuchus, entre Ophiuchus et le Scorpion, donc dans une des zones les plus denses de la Voie lactée visible de notre hémisphère. Et vraiment, c'est tout à fait perceptible en fin de crépuscule. On verra les volutes de la Voie lactée apparaître sur le côté gauche de Vénus et de Saturne. Donc ça peut faire des images assez amusantes en fin de crépuscule. En posant relativement brièvement, on peut voir encore le côté éclairé du crépuscule, Vénus, Saturne et les formes de la Voie lactée qui s'ébauchent dans un ciel plus foncé. Donc ça peut être spectaculaire. Donc ça vaut le coup de tenter une image, et si vous la faites et si vous la réussissez, vous nous l'envoyez à ouvertlanuit@cielespace.fr. Nous approchons de la fin de cette émission. Guillaume, Jean-Luc, vous nous proposez chaque mois une observation de saison, si j'ose dire. Quel est votre conseil ce mois-ci, Guillaume ? Alors, je vais rester dans Ophiuchus, justement, puisqu'on y était avec Saturne et Vénus à l'instant. Et dans Ophiuchus, j'inviterai les gens à aller rendre visite à une étoile double, une véritable étoile double, puisque vous savez que dans le ciel, il y a beaucoup d'étoiles qui nous semblent doubles, mais en fait, ce sont juste des illusions de perspective. Elles sont simplement pas à la même profondeur de nous dans le ciel. Et là, par contre, 70 Ophiuchi, donc une étoile double de la constellation d'Ophiuchus, ce sont vraiment deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre physiquement. Et deux étoiles. Alors, souvent dans les étoiles doubles, on a des étoiles doubles avec des colorations très contrastées et ça peut être spectaculaire. Il suffit de citer simplement Albireo dans le Cygne, qui est très facile à observer et que vous pourrez voir aussi à la suite de 70 Ophiuchi, parce qu'elle est un petit peu plus haut dans le ciel, à peu près dans la même direction. Mais 70 Ophiuchi, bon, sont des étoiles qui ont une magnitude entre 4, 8 et 6, donc c'est pas visible facilement à l'œil nu. Il vaut mieux avoir une petite paire de jumelles ou une lunette, mais aux jumelles c'est facilement accessible. Et avec ça, ces deux étoiles ont à peu près le même éclat, une un petit peu plus brillante que l'autre, et à peu près la même teinte. On va le percevoir pas exactement blanc, mais un jaune légèrement orangé, on va dire. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que ce sont deux étoiles proches. Elles ne sont qu'à 16 années-lumière de nous. Et elles tournent l'une autour de nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans un ciel qui nous semble tout le temps immuable, avec des étoiles qui ne changent pas de position les unes par rapport aux autres, eh bien en fait, là, on a deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre suffisamment vite. Elles tournent en 80 ans autour de l'une autour de l'autre. Eh bien, on peut voir un changement apparent de leur position. Et dans une vie d'observateur du ciel, donc on va dire en 5 ou en 10 ans, si vous vous rappelez l'avoir observé il y a 5 ans, eh bien vous ne verrez pas la même orientation. Alors peut-être que vous n'aurez pas exactement la mémoire, mais si vous faites un petit schéma sur votre carnet d'observation, que je vous conseille d'avoir naturellement, vous faites un petit schéma et puis vous revenez là dans 5 ans ou dans 10 ans, eh bien vous verrez qu'elles ont changé de position. Et ça, c'est assez rare dans le ciel de réussir à constater de visu des mouvements stellaires. Là, on a vraiment un mouvement stellaire facile à mettre en évidence, avec 70 Ophiuchi dans l'Ophiuchus. Donc voir le ciel bouger, c'est possible si vous commencez dès demain, dès cette nuit même. Et vous revenez dans 5 ans. Et vous revenez dans 5 ans et on en reparle. C'est une belle idée d'observation pour ce mois-ci. Jean-Luc, qu'est-ce que vous nous conseillez ? Alors moi, c'est très facile. Je pense que j'ai jamais proposé plus facile. C'est d'observer Bételgeuse. Parce que Bételgeuse, en ce moment, est plutôt brillante. Bételgeuse, c'est l'épaule gauche de la constellation d'Orion, donc très facile. C'est une des 10 étoiles les plus brillantes, enfin, parmi les 10 étoiles les plus brillantes du ciel. C'est une géante rouge et comme beaucoup de géantes rouges, elle est un petit peu pulsante en taille et du coup son éclat varie sur une période d'environ 400 jours. Et il se trouve qu'en ce moment, elle est plutôt proche de son maximum, ce qui la rapproche de la magnitude 0. Son éclat varie quand même d'un facteur 3 quasiment, donc c'est plutôt pas mal. Et donc on va, si on est attentif, on devrait se rendre compte que cette étoile de la constellation d'Orion brille un petit peu plus que d'habitude. Si vous n'en êtes pas convaincu, faites une photo ou essayez de repérer par rapport aux autres étoiles du ciel, trouver un point de référence et puis regardez l'année prochaine, vous verrez, elle n'aura plus du tout le même aspect. C'est pas dans 5 ans là, hein. C'est l'année prochaine, ça va plus vite que moi. C'est encore une observation où il faut un petit peu de patience, mais c'est bien parce que l'astronomie c'est aussi, on va dire, l'école de la patience, n'est-ce pas messieurs? Mais c'est quand même, c'est l'étoile pour ce genre d'amplitude de variation d'éclat, c'est l'étoile la plus brillante du ciel, donc c'est vraiment l'étoile la variable la plus facilement accessible, c'est à l'œil nu, on peut le faire même en plein Paris, même n'importe quelle grande ville, donc c'est quelque chose à voir en ce moment. Bételgeuse, donc une étoile visible même depuis le centre de Paris, merci Jean-Luc pour ce conseil. Les éphémérides sont terminées pour ce mois-ci. Merci à Guillaume Cana et à Jean-Luc Dauvergne pour leurs précieux conseils. Merci à Nicolas Franco qui réalise cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. Rendez-vous le mois prochain.